stations rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial MZ. Passez une bonne soirée, bienvenue dans le Planète Rap de la MZ. Ouais. Salut Fred. Ça va, tout le monde est en pleine forme? Toujours. Comment se porte la MZ? En mode cool. On a bien dormi, on a bien dormi. Bien dormi, reposé. Ouais. Prêt pour cette nouvelle soirée de Planète Rap? Toujours. Attends, je crois que d'ailleurs il faut changer tout de suite de générique, s'il te plaît, mon fabuleux. Mais nous, la musique de circonstance, ce soir c'est Champions League. Ah ouais, là, c'est Paris, là. C'est Paris, on va faire un petit truc. Vous qui êtes du 13e arrondissement, me dites pas que vous supportez Chelsea. Non. On est Paris. Moi, je suis pour Chelsea, moi. Il y a des gens bizarres pour Chelsea. Non, toi, il y a nous, il y a les autres. Nous, on est pour Paris, les autres, ils sont pour Chelsea. Moi, je suis pour Chelsea ce soir. Toi, t'es pour Chelsea? Ah oui. Moi, je suis un grand fan de Didier Drogba, moi. C'est-à-dire ce soir. Non, mais il y est plus, t'es au courant. C'est comme s'il jouait ce soir. Il est là ce soir, Didier Drogba. Wow, il force de ouf. Ça veut dire que c'est un supporter marseillais ou quoi? Ouais, tu connais, ils sont tous comme ça. Au sein de la MZ, vous acceptez des supporters marseillais? Ouais, on a voulu le virer, mais vas-y, il est plus fort que nous. Ça marche pas. En même temps, ça prouve votre ouverture, votre état d'esprit, votre ouverture. Non, on a voulu le virer, il est plus fort que nous, on peut pas. C'est tout. Bon, tout le monde va bien? Ouais. Ça va et toi? En pleine forme, on a passé une bonne soirée hier soir avec vous, on a fait connaissance avec la MZ. Il y a un projet qui est dans les bacs depuis un mois à peu près qui s'appelle MZ. MZ Musique Volume 3. Allez braquer les FNAC. Et hier soir, on a pu écouter ça dans l'émission. Petit résumé court, rapide et efficace de ce qui s'est passé hier soir. Bon, la MZ, pour résumer, d'ailleurs, c'est marqué dans votre bio, c'est une bande de potes. Ouais. Une bande de potes qui fait de la musique, qui fait du son. Oui. Bon, déjà, c'est la première fois qu'on vient à Skyrock. Déjà. Ça fait 7 ans qu'on rappe. Et voilà. On a fait le boulot, on est content de notre boulot aujourd'hui en Skyrock. Voilà. Et bah bienvenue à vous. On est prêt pour le live, messieurs? Est-ce que vous êtes prêts pour le live? Ah, on est toujours prêts. Tous les chemins mènent, je sais même pas où, j'en ai rien à foutre vu que je suis fucked up, poteau. On va pas traverser le pont de l'enfer et je me dis que c'est à cause de la marque de Robert Kalina. Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina, Robert Kalina. Voilà, j'ai appris qui était Robert Kalina grâce à vous, je vous remercie. On t'a appris un truc au moins. Ah ouais. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, Robert Kalina, c'est lui qui a dessiné les 7 premiers billets en euros. Voilà. Il avait gagné en 96 le prix pour les dessiner. Mm-hmm. C'est pas mal. En même temps, j'y ai réfléchi encore hier soir, je me disais, le mec, t'imagines, comme il a dû être payé assez grassement pour cette histoire, je me suis dit, il a dessiné ses propres billets en fait. Il s'est dit, tiens, comment j'aimerais payer? Tiens, je vais faire un pont. Lui, il est pas dans les pièces, lui. Il est pas dans les pièces. Ah non, non, lui, c'est les gros biftons. Directement les biftons. Il a fait les 7 premiers billets en euros. Et voilà, c'est ce que vous nous avez expliqué hier. Le morceau, c'est un titre inédit, hein, celui-ci que vous avez fait en live. Exact. Ouais. Toute la semaine. Que des inédits. Qu'on peut pas trouver sur. Aussi, c'est nous aussi, on va insister sur ça. C'est la première fois qu'on vient ici à Skyrock. Ouais, c'est vrai. On n'a jamais été invité par d'autres artistes, tout ça. C'est vraiment la. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et comment vous expliquez d'ailleurs, parce que vous étiez dans votre coin, parce qu'il n'y a pas trop de connexion. Fred. Il y a peut-être des. C'est toi qu'il faut que tu nous expliques pourquoi. Bah, filer les biftons, filer les Robert Kalina et on en parle après, hein, vous savez comment ça marche. Ouais. Non, passé. Pourtant, c'est important de souligner que ça fait longtemps qu'on rappe, tu vois. Mmh. On vient pas d'arriver comme ça. Ça fait longtemps qu'on. Depuis 2007. Mmh. Donc, là maintenant, ça a mis combien de temps? 7 ans. Maintenant on a l'exposition. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi c'est assez respectable dans le parcours. Et puis c'est un parcours que doivent prendre en compte tous ceux qui font du rap, qui essayent de monter en indépendant, qui ont leur groupe ou même qui sont en solo. Voilà, il faut faire tout un travail de terrain. Ce que vous avez fait aussi, vous avez sorti sans attendre personne, des mixtapes. Vous essayez de rencontrer des gens. Sans compter sur personne. Personne n'est payé. L'argent, ils viennent de notre poche. Juste appuyer. Et on a souffert pendant 7 ans. Mmh. En 2014, c'est le premier Skyrock. On nous a jamais invités. Jamais personne nous a sollicité. Les seuls qui ont cru en nous, c'est KD Basics, Oxy et Melofilo quand je les ai croisés. Melofilo qui est là, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, donc ça veut dire que là, on est en guerre. Là, c'est la MZ et c'est parti pour être numéro 1. Et le garçon qui parle s'appelle Davidson. C'est lui aussi qui vous a un petit peu découvert, enfin en tout cas qui vous a entre guillemets structuré, puisque lui c'est le grand de la cité. Vous étiez là en train de. Davidson, quand il nous a découvert, je vais te dire, il avait. Je crois il avait 17-18 ans. Mmh. T'imagines un mec de 17-18 ans prendre des mecs qui sont même pas dans les temps et croire en eux, alors que tu tapes même pas en même temps t'es à l'école.

Extrait d'MZ Musique Volume 3, c'est dans les bacs ce morceau qui s'appelle Lune de Fiel. 10 mars. Ouais. Ouais. Bon morceau avec explicit lyrics, hein, évidemment, dessus. Non, c'est. On est toujours direct dans nos propos. Toujours direct, c'est comme ça qu'on parle les jeunes de nos jours. C'est vrai. C'est comme ça que parlent les jeunes de nos jours, c'est pas explicite. Et en plus, c'est pas irrespectueux. Ouais. Ah, j'espère bien. Non, mais je on pense va que. Juste. Je pense qu'en plus, envers les filles, ça se passe plutôt bien. Vous avez des bons rapports. Ouais, toujours, hein, respect. Toujours le respect. On verra la jante féminine. Envoyez les messages avec le hashtag MZ sur Skyrock. Toutes vos questions aussi, la MZ. Le projet est dans les bacs depuis un mois. On le découvre cette semaine entre 20 et 21. Qu'est-ce qui va 10 mars. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans l'émission? Il y a du live de prévu? Toujours. Encore un autre. Ouais. On t'a ramené des invités. Mmh. On t'a ramené Marlo qui était là dans Lune de Fiel. Là. Ouais. Deuxième couplet, tout ça, qui fait partie du collectif Davidson Présente. Et Chiche, qui est dans le clip qu'on a sorti, un des quatrième ou troisième extraits, Panique pas, ce soir, qui est dans le collectif Davidson Présente. Et on va faire aussi un inédit pareil que hier, mais qui frappe encore plus. Donc, titre inédit qu'on pourra trouver que sur Skyrock ce soir. Voilà. Et sur après, une page B. Et après, sur le net, évidemment, il va être balancé. Il va être balancé ce soir. Non, c'est un petit freestyle inédit sur une face B. Enfin, un gros freestyle inédit. Sur une grosse phase B. Une grosse phase B. Et qu'est-ce que je voulais dire? On n'a pas là pour habitude de rapper sur des prods qu'un riz. D'habitude, quand on rappe, c'est que sur nos prods ou tu vois, des prods qu'on a trouvés. Mais là, on a pris parce que ça valait vraiment le coup pour vous montrer qu'est-ce qu'on voit sur des prods qu'un riz. En tout cas, des morceaux ou des prods qu'on trouve vraiment lourds. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Donc, par exemple, il y aura quoi comme son soir? Vous avez choisi quoi comme instru? Q, Bobby Johnson. Très bien, on pourra découvrir ça avec vous tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce qui tourne beaucoup dans vos oreilles, messieurs en son ricain? Quelles sont les influences ricaines de la MZ? En ce moment, il y a Capone. Mmh. Un rappeur d'Atlanta, il est pas trop connu. Voilà, en ce moment, dans ma voiture. Donc, c'est beaucoup le sud, beaucoup Atlanta. Voilà. Ouais. Migos, Fatrell de Washington. Fatrell, ouais. Tout ce qui est trap musique, un petit peu, ça c'est une des influences aussi de la MZ. Il y a la trap musique, la emo, il y a tout. Mmh. Tout. Et j'ai oublié, il y a des garagistes aussi. Koyou, tu vois, les trucs comme ça. Les oublis du bled. Les musiques du bled, tout ça. C'est quoi les origines d'ailleurs de la MZ? Il voit rien. Pas tous, il y a le Sénégal aussi. Ah, ouais, parce que c'est le grand. Big up au sélectionnaire Laurent Black. Il y a Laurent Blanc qui joue là ce soir, mais nous, on a Laurent Black. Laurent Black. Original sélectionnaire. Exact. Il joue autre part. Lui. Et la petite question ce soir pour repartir avec l'album dédicacé de la MZ, petite question simple. Si vous écoutez depuis hier, en plus on n'arrête pas de le dire, c'est qui vous a découvert? Qui a découvert la MZ? Qui vous a aidé à progresser? Je parle pas, là, on va pas parler de KD Basic qui vous ont signé par la suite, mais le tout premier, celui qui a été là dès le début. Les Qataris? Laurent Blanc? La réponse est dans le studio. Si vous avez la bonne réponse, vous nous envoyez par SMS au 41759 avec le hashtag MZ sur Skyrock. Et puis on le disait, une rencontre importante, c'était il y a un an avec KD Basic. Hier soir, il y avait Zoxy, Mélo Philo. On va laisser dire un petit mot aussi à Mélo Philo qui est là, des sages poètes de la rue. Voilà, bonjour à tout le monde. Ça va bien? Ça va, impec. Est-ce que tu te rappelles un peu la fougue des sages-peaux il y a quelques années, au tout début de l'histoire des sages-peaux, ou c'est deux époques différentes? Bon, c'est deux époques différentes, mais c'est la même vibe en fait. Tu vois, la même énergie, le même état d'esprit, essayer de s'en sortir seul, essayer de franchir les barrières et surtout essayer d'être visionnaire dans la façon d'appréhender la musique. C'est pour ça que vous avez monté la structure d'ailleurs KD Basic? Ouais, et c'est essentiellement pour ça aussi. Pour découvrir des nouveaux talents. Exactement. Les aider à progresser. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que tu peux leur souhaiter? Qu'est-ce que tu imagines pour eux comme avenir, Mélo? Moi, j'imagine le meilleur pour eux, parce que c'est des bons gars. C'est devenu une famille aussi, tu vois. C'est important aussi pour nous, quand on travaille avec des gens, qu'il y ait quand même cette relation fraternelle. Et c'est... Comment te dire? Fred, juste pour couper, excuse-moi Mélopé. Nous, quand on bosse avec des gens, on connaît tout de la personne. Ça veut dire, là, tu parles avec Mélopé, je connais sa maman, je connais son papa. Toi, qui connais les parents de... qui connaît les parents de Zoxy et Mélophilo? Frère, je connais sa maman, je connais son papa, il connaît ma mère, il connaît tout mon entourage. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est quelque chose... Nous, alors, j'ai expliqué, tout simple, la MZ, c'est des mecs d'une cité qui s'appelle Chevaleret. Tout le monde se connaît. À Paris, dans le 13e. Voilà. Les studios, il y a tout le monde. C'est-à-dire que quand même qu'on a la cité, il n'y a pas de star ou quoi. Ça veut dire, nous, on se côtoie H24. Et quand on bosse avec une personne, il se doit qu'on doit être proche d'elle, tu vois. Donc, on bosse avec les Oxy et Mélophilo, on connaît tout leur entourage, comme eux connaissent le nôtre. Ça veut dire là, c'est une histoire de famille. C'est ce que tu voulais ajouter. C'est le beat de boule. Et à tout dit. Voilà. Ouais, pensez à tout. Mais pour vous aussi, c'est important. Toi aussi, c'est important parce que bon. C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel, tu vois. Quand on travaille, on se retrouve forcément. On passe beaucoup de temps en studio, en dehors du studio. Donc c'est mais il y a une partie, alors sans pour autant dénaturer ce que vient de dire Davidson, mais il y a une partie aussi business, forcément. Il y a le business de la musique, il y a toute cette partie business qui est importante. Donc t'as une vision aussi, quelque part, entre guillemets, stratégique pour eux. Tout à fait. Et ça, c'est la suite qui nous le dira. Et, c'est important aussi de souligner que MZ, à travers Davidson et les artistes, c'était une énergie déjà à la base. C'est Davidson, comme il l'expliquait hier, c'est quelqu'un qui a jamais lâché l'affaire. Il nous envoyait des mails sur mails, il n'a jamais lâché l'affaire. Et quand il est arrivé avec le produit, il est arrivé déjà avec les titres et avec des clips qui étaient déjà prêts. Et ça, pour nous, c'était une preuve de quelqu'un qui n'attendait pas d'être assisté, qui avait juste besoin d'un coup de main, d'un coup de projecteur. Et ça nous a séduit aussi. Donc on a dit avec mon frère Zox, on y va. Voilà. MZ Musique Volume 3 est dans les bacs. On va passer un morceau maintenant, messieurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on met alors? Il y a eu beaucoup de sons demandés aujourd'hui, je vous le dis, parce que chaque jour on fait un petit jeu sur les réseaux sociaux de Planète Rap, de Skyrock. On demande quel est votre morceau préféré, puisqu'en plus l'album est sorti, le projet est sorti il y a un mois. Aujourd'hui, le morceau qui est le plus remonté, c'est le Planète MZ. Ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce morceau? Est-ce que. Je sais qu'on le balance maintenant. Il parle de lui-même. Ouais. Voilà, il parle de lui-même. C'est un des morceaux qu'on fait super facilement. Sur une grosse pote d'Equinox aussi. Ouais. Allez, c'est parti maintenant. MZ sur Skyrock dans Planète Rap. Pas pourquoi je parle que nous. Les bots, je m'en fous. Ça se tape pour des broutilles ou le boule d'une sous. Tu me vois à la naille. Plus que le jour, on aurait rendu ton kilo de Batman fou. Cocaïne, cocotte, écarte tes cuisses, cousine. Qu'est-ce que tu bégayes? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qui peut faire quoi? Je vous attends, cousin. Vous êtes même pas prêt à arrêter de faire l'air. Dégay, mogo, tu me cogonégay. Tu nous aimes pas, t'as des cogonégay. Là, qui m'a dit arrête de te progonégay. Ok, d'abord, je prends ma mogonégay. Je demande pas de conseil à ceux qui lavent le sol. Encore moi, ceux qui crament les sols. Tu sais, y'en a qui doivent la réussite grâce aux négros qui bicrapent des sorts. On trois coups t'achèquera, ça t'a mis mal. Maintenant, elle se demande, bah, c'est qui l'animal? Une crasseuse reste une crasseuse, même si elle se lave. Bon, au moins, elle se lave. On en a vu des cas, rien que ça écarte. Odeur de poisson frais, bah, rien que ça m'écœure. Moi, je prends ton wake up, ou moi ton pec. Et parce que ma poste pour plus porter tes pecs. Tu te chamailles contre les bleus, nous on est en guerre contre l'État. Trump, Thomas et Everest, bah, nous on parcourt l'espace. Tu croyais qu'on peut pas te mais tu peux t'esquiver. Franchement, j'en ai pas l'impression. Ouais, j'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. MZ officiel. J'en ai pas l'impression. MZ Group. Ouais, tutos. MZ Group pour mes Instagrammeurs. Étoiles sous l'effet de la tease et de la hi. Dédicace à Philly. Plus on avance, plus les gens voient qui nous haïssent. Tonne pas si on échoue, elle va festoyer pire qu'elle aïe. Putain mais qui a le plus de flow? Dans quel clic y'a le plus de faux? On les baise, ils en redemandent. Mais quel de CMC c'est la plus grosse info? Désolé les gars, MZ mais les gaz. Si tu comptes mes gales et t'élimines ça m'est égal. Avec Mooligan, ce qu'on fait est illégal. Sérieux dans le rap comme dans la vente de cam. Viens de l'au-delà, ma pute est sous mes draps. Elle m'attend patiemment en scalant des wads. Des sous tirs au noir, assis au fond de la classe. Qui a vu Jean-Edouard baiser le Wana? Mauvais garçon, quatre noirs avec des idées noires. À nos quatre nez, les quatre saisons. Dans le rap, on vient réécrire l'histoire. Tu te chamailles contre les bleus, nous on est en guerre contre l'État. Simplement Everest, bah nous on parcourt l'espace. Oh Garou, il est l'heure d'aller chercher l'oseille. Wesh Toto Marcel. Je me demande si vous êtes prêts et franchement j'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. On n'oublie pas Mala, Kempson pour sa haine de guerre. Et que je les chie en toilette. Posé dans le bloc, pilon dans le froid. Tout en icône et port après midi. On est pas net. Il n'y a pas que du fond d'ailleurs. C'est de la vodka qui se promène dans ma canette. Faites pas d'heure à nous comparer à son père, on est pas de votre planète. J'ai pas de jeu de sens, les flots. Je suis dans un délire que tu pourras jamais capter. Wesh ma gueule, tu ne mets pas réglo. Sous nous, tu fais que les pas, mais tu bouges la tête. Présent dans ce game pour les tenir en laisse. À nous, Generation, c'est qui sont les best. Grave au-dessus, Nico, tu peux pas tester. Tu la tour Eiffel, t'es la tour ta tête. Musicalement, je suis pas là, j'ai la tête ailleurs, je fais du lourd, le doigt dans le nez. On apporte ce truc qu'ils ont pas dans ce game, ça vaut le comment je viens d'amener. Les mixtapes, les concerts, les mixtapes, les concerts, ma gueule, on fait que charbonner. Pénible et la grippe, perte de doigts, les deux traits, les vis cartonnés. Oh, dédicace à Titeuf. Eh, Twitter, @MZ Group, Instagram, @MZ Group, et MZ officiel sur Facebook. J'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression. Amazon Music Volume 3 toujours dans les putains de bacs. J'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression. Ce soir c'est MZ sur Skyrock. Créo patard, comment faire? Ouais, comment faire? Bouger la tête des mecs en marche du système qu'il est courant qu'on enferme. Condamné par ma flemme, va que je me retrouve à arracher le mic au vôtre. Après la piste ou de mes 10 doigts rapés, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile à foutre. En effet, MZ le retour des sales gosses au flow infect. Nous bassine pas à l'aide de tes. Ici on a tous toujours fait avec. Tu as des MC qui s'amènent sur notre planète et qu'on les loupera pas ce coup-ci. Ils assumeront pas les secousses en un douce, j'te les viscères en smoothie. Nous c'est pas la relève, c'est la révélation. Street entièrement mise en relief par notre talent. Pas de fellation, straight, ouais. Déclare la guerre à tout le game. Pour ce patron, son pas de trêve. Trop, je suis écouté par les vrais gars. Big up, Bourse, oh, garde la pêche, t'inquiète pas, on est là. Je suis chaud. Contre les bleus, nous on est en guerre contre l'État. Ramptement et fraise, pas nous on parcourt l'espace. Yafoy est dans la maison, Lulu est dans la maison. Kadé Brésic est dans la putain de maison. J'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Quoi, je fais grave, on sache pas, c'est quoi le délire. J'en ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression. Réveille-toi! Planète MZ, MZ groupe à découvrir toute la semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap. Il y aura du live tout à l'heure à pas louper. Un petit mot sur la façon dont vous bossez par exemple sur ce morceau. Comment on bosse, comment on a bossé sur ce morceau, ben, et même d'ailleurs sur l'ensemble des morceaux, ouais. C'est Equinox, notre beatmaker attitré en fait. Donc vous partez sur un son d'Equinox. On part sur un son d'Equinox à la base. On part sur un. Il nous envoie souvent des palettes d'instru. Ensuite c'est à nous de choisir. On choisit, ensuite on se concerte d'abord sur les refrains. Les refrains ils sont déjà prêts. Et ensuite chacun de son côté il bosse ses flows, il bosse ses phases et on balance ça au studio. Est-ce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont mis de côté? Est-ce que vous enregistrez beaucoup et... Non, parce qu'on les bosse avant de les enregistrer. D'accord. C'est-à-dire, on fait jamais de maquette quoi. Donc il n'y a pas un moment ou un autre le groupe va voter en disant celui-ci je veux qu'il soit sur le projet, non moi je veux pas. Non, vous êtes assez unanime. On essaie de pas perdre de temps quand on le fait, on essaie de le faire carré. De se mettre d'accord, connaître chacun son texte avant de venir, les vibes, tout ça, et dès qu'on y va, on le fait pour frapper fort, tu vois. Chacun écrit aussi de son côté, je suppose. Ouais. Ouais, mais après, tu vois, parfois, moi, j'écris de mon côté. Après, je suis avec Joker, je te dis, tais-moi ce que j'ai fait, tu vois. Je regarde un peu si ça le plaît, déjà, faut que ça me plaise à moi. Tu vois. Ou parfois, aux potes de la cité, tu vois, je leur fais mon petit texte. Bah oui, t'arrives à tester comme ça, ouais. Ouais, je te dis, on est dans un quartier où est-ce que franchement, si tu fais de la merde, ça sera les premiers à te le dire, soit pote ou pas, tu vois. Ils vont te dire, vas-y, arrête de déconner, arrête tes conneries, tu vois. Après, si tu veux, tu continues. Mais au moins, on te l'a dit. Ouais. Tu vois le délire, on est dans une cité, voilà. Elle est comme ça et c'est super. C'est Chevaleret d'ailleurs, il y a une partie des gens qui sont là, qui sont dans le coin. Chevaleret, BJ, sache pas. Ouais, voilà, il y a du monde. Dans un instant, on va revenir sur Skyrock. La réponse à la question, c'est qui vous a découvert à l'origine? C'est évidemment Monsieur Davidson qui est là avec nous. Ouais. La réponse, on va vous filer le nom du gagnant dans un instant, 41759. Vous avez répondu en nombre à cette question. On va revenir dans quelques minutes du live aussi avec vous ce soir. Ouais. D'autres morceaux, qu'est-ce qu'on va passer? Le Panique Pas, on avait dit quoi? Fonce D aussi, qu'est-ce que... Allez, on va se faire un petit Là, on va passer Panique Pas. Chiche au microphone, ouais. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chiche au microphone et Twitter @le binôme. Ce soir, on va mettre Panique Pas. Et bah, Panique Pas arrive pas dans de la concu panique, quoi. Dans un instant, pas panique. Ne bougez pas, c'est juste après ça le retour de Planète Rap spécial MZ. Ouais. Comme toi, MZ a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h, 21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec le son de la MZ, Panique Pas maintenant, c'est extrait du projet MZ Musique Volume 3. représente, Cali Musique. Moi je suis rappeur, bien ou quoi? Moi je mets la forme, c'est quoi le boulot? On te rigole. Oui. MZ officiel, Facebook, @ MZ Group, Twitter. Les blagues, mes peurs, mes noix chez mes white. On a tout trompé, vous nous aimez pas. On s'aime entre nous, ne vous inquiétez pas. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. Boum, personne nous tient en laisse. Boum, allez sucer, on se traite. Mais je t'aide, je ne vais pas. C'est 5 mon numéro. Ça m'a jamais intéressé vraiment. Jouer les héros. Wesh. Jamais joué de film héros. Chicho microphone. Je dans les roues. Chicho micro à l'écran. Objectif, faire des héros. N'attends pas qu'on te clash fiston pour finir par les attaquer. N'attends pas qu'ils donnent le ballon pour aller les tacler. C'est pas ta faute, c'est la faute à qui. Seule parole, y'a pas que les armes qui tuent. Wesh, pourquoi tu cours, espèce de fion. C'est toi qu'elle s'effuse. Toi et tes antécédents. Ferme ta gueule, y'a pas eu de précédent. Tu sais que si tu nous rentres dedans, si t'es pas compétent, on te casse tes dents. Yo, ça a dans la cave, putain, pris d'otage, faut pas paniquer. Négro, j'ai la rage, me parle pas de trash. Moi, j'ai l'âge de paniquer. Panique pas, ce n'est qu'un douze de frappe. Comme le club, le covissaire. Panique surtout pas, devant ce couillon de commissaire. Je marche dans la street avec mes nagas, sur de nous, on panique pas. Rap français, va nous coûter une douille. Rentrer des sous, on gâche aucune occasion, demande à l'occasion. MZ Kilik, le binôme, bonhomme, les autres sont démodés comme dans l'occasion. Ça veut faire les foulettes, quand on sort les queues, trucs, ils se mettent à galope. Moi je m'en gueule, tu faisais vous en banque, elles sont de tes potos, tu paniques comme une salope. Hashtag MZ sur Skyrock. Ou hashtag Team MZ. Pour l'armée, on part, mes garçons, high, fonce des fucked up tous les soirs. Pour mes six armes, dollars, armé, niaga, pour ma mafia, panique pas. Pour ma mafia, négro, clic-clac, pao. Dans les toilettes, toilettes, juste un peu de cours. Elle prononce mon nom quand tu la ouettes. Parce que le tien quand je gagne le tour. Tout t'es pas le foot, t'as baillé, baillé par la langue des sourds. Car y'a du poulet dans mon platier, plaqué tout autour de nous. Petit comme cousin Fritter, je le baisse comme Justin Slayer. Et si même ton producteur trouve que c'est nous les meilleurs. On opère comme le 11 septembre, c'était dans le building des noirs. Avec des idées noires normales, que la concurrence panique. Le soyeur de la frégate, j'espère que tu m'entends. Hein. Wesh Yax, wesh Ladji. Y'a foi. Danos. Lido Loco. Duk Duk. La frégate, la frégate, la frégate. Ouais, je dis Nibla. Wesh 420 Workshop. MZ, extrait du projet MZ Music Volume 3, c'est dans les bacs depuis un mois, c'est aussi en téléchargement légal, allez-y, allez cliquer si vous aimez bien le son de la MZ. Découvrez, bande de crevards. Morceau qui s'appelle Panique. Allez chercher l'oseille comme Pimousse. Allez-y, allez cliquer et récupérer cet album. Dites-nous d'ailleurs vos morceaux aussi préférés, envoyez les photos de l'album hein, si vous l'avez à la maison. Hier, on en a reçu des très belles, ouais, vous continuez. Montrez les preuves. Allez-y, même ceux qui téléchargent légalement. Ouais. Petite copie écran, vous l'envoyez ici, Skyrock FM ou alors via l'application Skyrock, on télécharge un peu partout. Je vous présente maintenant Auster de Paris. Salut Auster. Ouais, bonsoir. Ça va bien Auster? Ouais, ça va, merci, bonsoir. Tu connais la MZ? Bah écoute, je viens d'entendre là, franchement c'est du lourd, hein, ouais. Ah, merci Auster. Tu connaissais pas avant toi Auster? Non, je connaissais pas. On m'a conseillé d'écouter et franchement il y a des flows bien sales, bien techniques, je kiffe bien. Auster. Ouais. T'es d'où? Je suis là actuellement, je suis sur Hoche dans le 93, mais sinon mon secteur c'est Paname. Ah bien vu mon gars, c'est merde. Et bah voilà, maintenant tu connaîtras la MZ. Ouais carrément. Avec plusieurs projets qui sont dans les bacs, dont le dernier là qui est sorti il y a un mois qui s'appelle MZ Music Volume 3. Ouais. Auster, on t'écoute rapper? Ouais vas-y, je suis parti. C'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y mon pote. Ok. Parfait. Ok. que les papas s'agenouillent et qu'ils me sucent sur la vie rouge. J'arrive en force pour tout niquer, je m'en prends la race du tapis rouge. Tu dis que le rap est mort, moi je dis que les MC sont flingués. Un vrai grossiste ne raconte pas ce qu'il se passe sur son rinté. Ok, ok, j'arrive, flow in coca. Ne me bois pas des rappeurs, c'est que des copies de tocards. Je suis venu fumer la prose, sors-moi deux feuilles et un ton car. Comment parler d'amour quand tu t'es fait baiser ton cœur? Si jamais ça ne marche pas, je rendrai mon scud à la sauver. Car on m'a dit que je défouraille comme une patate dans la pommette. Un deck à ton fossil, commission au rogatoire. Je préfère aller au Hems, nique l'interrogatoire. Ici on fonce tout droit, pas tant pour les giratoires. Personne ne lit de livres, mais tout le monde fait des histoires. Jamais je désespère, tu voulais du lourd, va sur YouTube, tape O-S-T-E-R. Tu veux chiner une Thumbs, habille-toi en costard. Mon R.A.P. c'est stressé comme une balance au star. Ça rappe depuis tout petit, mais ça fort dans ta sono. Je compte pas sur les deux traits, je veux percer en solo. Car ne l'écoute pas, dans sa cité c'est un polos. Il fait même pas guetteur et dans ses boys, zéro pesos. Contrairement à certains, je le raconte pas de la merde. Pas de flow, aucun niveau, ils sont juste à la hauteur de ma verge. Oh, je vais tous les dégoûter comme un crap vieux pas faire chrome. Je m'en fais le roi, je veux même pas trop. Ne tu dis pas que c'est pas raison, si tu prends pas trop. Mais oh, je voulais trop mise, j'arrive vénère comme je l'avais promis. Rafale de rime, monte à la Tony. Tu veux la vérité, bah c'est qu'un Tommy. Au cerf, j'avance dans le blizzard, esquivant les queues mes bizarres. Je suis trop chaud comme à Ibiza, nique ton contrat à l'Opiza. Trop de bâtards dans mon viseur, trop d'escrocs qui veulent te viser. Tellement de soucis à cause des ulcères. Tu pas que c'est faux, car toi-même tu sais. Donc se déguise avec des fossiles, maîtrise, méprise de l'art, possible. Oh, y'a ceux qui baissent et baissent pas froc. Ceux qui baissent et baissent pas froc. Ceux qui sortent avec des salopes, c'est le con, un gosse et touche des salopes. Ceux qui trouvent le malheur marrant, j'ai beau chercher, ce monde est navrant. Je regrette l'époque d'avant, un jour je finirai en partie. Mais pour le moment, je suis dans la partie. Ok, ok, austère, bon hein. Austère, austère, austère, austère. Tu viens, tu nous clashes. Non, même pas, c'est pas bien. Pas t'es venu, pas du tout. T'as dit ne me parle pas des rappeurs, c'est que des copies de tocards. Tu nous parles, tu parles de nous, moi je suis rappeur moi. Non, je parle pas de toi gros, t'as vu. Non, je rigole, je rigole lourd mon pote. C'est juste, voilà. Ouais, tu connais, c'est de l'ego trip, c'est de l'ego trip. Ouais, voilà, c'est tout. Bah, vous en faites pas du tout en plus, vous les gars. Mais vraiment pas, je suis personne. Non, t'inquiète. Je te taquine. C'est une blague. Ok, c'est crème. En tout cas, bien. Et ben, merci à toi, c'était un petit dédicace. On peut te retrouver donc sur le net, j'ai compris, il faut taper O-S-T-E-R. O-S-T-E-R, Paname sur Facebook, Paname avec un E. Et puis, ouais, j'ai 2-3 dédicaces à balancer, et puis voilà. Bon, t'écoutes, vas-y. Bah, j'en lâche une pour Titi, Cyprien, Tico, Jean-Loup, Pauline, Zizit, ma soeur, toutes mes têtes dans le 18ème, dans le 93 et dans le 78, et tous les mecs de Paname. Et vas-y, allez, Paris, gros. Ah, allez, Paris, petit pronostic austère pour ce soir. Dédicace. Pour ce soir, vas-y, moi je dis, on refait la même. Un petit 3-1 ? Ouais, bah, écoute, pourquoi pas. Soyons c'est pris, hein, bah, grand plaisir. Vas-y, on y va, on fonce. Ok, c'est parti. A plus, austère. A plus, merci Skyrock. Ciao, passe une bonne soirée. Ce soir, c'est Champions League à suivre chez Difool. D'ailleurs, ça va être drôle parce que Difool, il reçoit Sam Smith. Vous connaissez Sam Smith, c'est un anglais ? Non. Vous voyez pas qui c'est Sam Smith ? Non. Le mec qui chantait avec La La La, Money on My Mind. Non. Gros carton en Angleterre, gros carton aux États-Unis et ici en France aussi. Non, il débarque à partir de 21h sur Skyrock, Sam Smith. Il est anglais, donc j'espère qu'il va pouvoir se faire charger ce soir. comme il se doit dans la radio libre de Difool sur Skyrock. En attendant, on est avec la MZ. On écoute un autre morceau, messieurs. Ouais, Fonce D. J'ai entendu Fonce D. Bien, Fonce D. Un bon petit classique de chez nous. Extrait de MZ Music Volume 2, sorti le 1er juillet 2013. Ouais. Encore dans les bacs, sur iTunes. Donc petit retour en arrière, enfin il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ben, en plus, on va raconter, on a le temps de raconter l'histoire de Fonce D. J'espère bien, allez-y les gars. Fonce D, en fait, c'est l'un des premiers morceaux qu'on a enregistré du MZ Music Volume 2 sur une instru d'Equinox. Et j'étais avec HP, on roulait, il avait l'air du refrain, bam, il a trouvé l'air, il a fait ça. On est rentré en cabine, on a fait ça. Fonce D, on est sorti, on a souri, Fonce D. Tu vois le délire? On savait la force du son. On connaissait la force du son dès qu'on sort. On savait aussi tous les gens qui étaient Fonce D sur Paris. Ouais. Eh bah écoute, vous êtes ravis d'entendre ce morceau maintenant. Ouais, oui, dites-nous ce que vous en pensez si vous connaissez pas encore ce titre avec le hashtag MZ sur Skyrock. Voici Fonce D. Les veines, désir et nocturne plein meuf taille bout de whisky à la veille. J'passe un coup de fil à Dav, d'un coup j'me mange une baffe. Maman me dit d'arrêter de glander et de me trouver du taf. Bon bref j'me barre au jack, courir après l'oseille. Ça charbonne dans la street en attendant que le rap paye. Mes journées se ressemblent, toujours la même lergue. Vu qu'y'a rien à faire, j'crois que j'vais passer chez Recta. J'vais me foncer. Wesh les BG Boys, c'est comment? Doumam, c'est les choses. Je vous étonne les bêtos. Il y a le clip aussi sur la chaîne Davidson présent sur YouTube. Gros clip réalisé par 420 dans les studios. Je viens d'avoir le bac, j'ai la daronne sur les pattes. Car le rap ne paie pas le loyer, je n'irai pas à la fac. Ma petite amie du moment plaque pendant que les yeux de maman braquent. Je me sens mal à la porte, je claque le haut du bâtiment. Je vois des clopes, du œuf, des œufs, une con. Ça m'a tiré. Je plane les pieds au sol par le vide. Deux, trois homies se ramènent avec de la vodka, du whisky. Je vais me foncer des, fais-moi la passe des, que je zappe tous mes soucis. Je rate, je veux boire, mais y'a pas de passe. C'est le ouinge, y'a du monde sur la corde à linge. Putain, je crois que je deviens dingue. Mes négros hurlent tous comme des singes, comme des singes. Je suis fonce des, fonce des, fonce des, fonce des. J'ai l'impression d'être possédé, possédé. J'ai mal, j'ai mal. Les gars, je suis fonce des. Je plane, je vais me fonce des. Je vais me fonce des. MZ officiel sur Facebook, sur Twitter, arrobas MZ Group. Sur Instagram aussi, @MZGroup. On va se foncer. Et vous êtes sur Skyrock. Je vais me foncer. Wesh, mes gars de la chicha. Miro deux fois, Mala, la charia. Anime Coronès. On mène de guerre. Mini Blanco, l'homme du Bronx. C'était sur MZ Music volume 2, celui-ci. Ouais, volume 2. Morceau qui s'appelle Fonce Day avec la MZ, nos invités tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Ouais. Est-ce qu'on peut nous présenter maintenant Chiche et Marlo? Est-ce qu'ils peuvent venir près du micro, Marlo, s'il vous plaît? Puisqu'on va attaquer le live dans quelques minutes. Marlo. Même pas dans un instant. Bah, Chiche, il est là. Mmh. On est prêt. Tout le monde est prêt? Il en manque un. Il est où Marlo? Il doit être en train de se foncer. Voilà. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Tout le monde est là. Fake James, on vous voit, on est là. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt pour le live? Ouais, prêt. Bon bah, ils vont se présenter d'abord. Bah hein, ouais, ouais. Ouais, ils vont... Bon, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis du groupe Le Binôme. Mmh. Toujours dans le collectif Davidson Présente. Voilà, nous, on va dire, on est un peu les grands frères. Mets bien ton casque, s'il te plaît. Merci. Désolé. Voilà. On est les grands frères, on est les grands frères, tu vois. Et on est toujours là. Attends, parce que ça est un... voilà. Voilà, désolé. Mmh. Ouais, on est les grands frères. Et vous sortez aussi des projets, il y a des choses qui arrivent. Voilà, il y a Iceberg qu'on a sorti, c'est en téléchargement gratuit sur Internet. Tu verras, à chaque clip qu'on sort, le binôme sort sur la chaîne Davidson Présente. Mmh. C'est là où il y a les clips, ouais. C'est là où il y a les images. Ouais. Voilà, il y a tout. Tu veux dire un mot? Tu veux rajouter un mot? Qui, moi? Marlo. Bah oui, toi Marlo, toi. Tu veux rien dire? Non, déjà moi c'est le beau gosse à la base. Pardon, j'aurais déjà dû dire un beau gosse, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, moi c'est Marlo, tu sais, dans le collectif Davidson Présente. Moi ça fait pas trop longtemps que je rappe. Tu sais, moi je suis plus, moi c'est mes gavas, même tout ça autour. Ça fait... Quoi, c'est la famille, tu vois, chevalerie. Ouais, quoi, chevalerie, ça fait 2 ans que je rappe. Tu sais, 2 ans. Mais 2 ans, je t'en défonce beaucoup des rappeurs. Mais... À la base, moi, c'est tous mes gars depuis qu'on est tout petit, tu vois. On était plus depuis qu'on était petit, Davidson, ils nous faisaient sortir, ils allaient freestyler à Montmartre, tout ça. Et vas-y, moi, franchement, c'est depuis que j'ai, tu vois, la MZ, quand ça a été vraiment sérieux, ils m'ont fait kiffer, ils m'ont donné envie de rapper, tu vois. C'est pour ça que maintenant je rappe, tu vois. Et bon, on va t'écouter maintenant. Toujours. Ah, Davidson, attention. En parenthèse, Marlo, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui est dans Lune de Fiel. Et grâce à lui, on a 500 000 vues. Ah, toujours, toujours. Première apparition. C'est cartonne. Aïe, aïe, aïe. Très juste précision, tu as raison de le rappeler. Est-ce qu'on peut attaquer maintenant le live? Un petit truc. Vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Session live dans Penetrap, les images sont sur skyrock.fm, on y va. On y va. Vous êtes là ou pas? MZ, c'est la MZ. Sur Skyrock, MZ. MZ. MZ. MZ. MZ. Ok. Ça joue les pimes dans des locs. Que des flocs, quand je te prends signe, tu vas tirer sur son père, tu te poques. Hier j'étais rien, aujourd'hui le besoin. Tu peux m'écouter sur Sky ou trouve-moi dans le bloc. Au microphone, tu es un putain d'enfoiré comme le braque. Je sais pas sur ma planète, aucun rival que des fiat. Tu confies pas si gros avec nous pendant que tu partais en cours. J'avais du P de L, la S dans mon frac. Petit rappeur drogué, un sorti qu'un peu choqué, la S te casse ton nez. C'est un oscro du mal, ma gueule, on va la cartonner. Et là, ces fils de pute nous ressort des frères, cache ton nez. Cache ton nez. Tu es avec Z, boum si, garçon, cherche le Z. Des bitches, bien bonnet, des gros joints, Z. La MZ arrive, c'est la misère. C'est la misère. Rappeur avoue, tu l'as senti, la fessée. Des quartiers riches au quartier pénitentiaire. Le son tourne, tourne comme les loses. Pose sur la puce d'un dealer de CC. Rappeur avoue, tu l'as senti, la fessée. Des quartiers riches au quartier pénitentiaire. Le son tourne, tourne ta mixtape. Tourne dans les plans de tes putains de vestes. Qui paraît, c'est eux la relève. Non, c'est leur sort la putain de relève. Nous, on vient tous de chez Valeray. Eux, centre 6 à chaque heure en planète. Je t'explique, je donnerai ma vie pour mes gars comme des soldats pour l'État. Pendant que tu parles de Beretta, je me pavane au Sénégal. Dans la street, c'est des pédales. Et Darren Mike, c'est des bonhommes. MZ, Zaina, décidé, c'est le binôme. Ils veulent des talents d'armand. Ces miches te veulent des diamants. Moi, j'ai une baraque pour maman et un tata pour le daron. Cette tasse me donne le barreau. Elle a le même cul que Pinky. Je dois lui mettre son tarot. Débriefing avec le Zizi. Donc, je finirai dans un putain de roche et t'arrête vendre à mon bétail. Je vais te faire une vendetta contre ma life et le chétan. Dis-moi avec qui tu traînes. Je dirais qui t'a bouca, César, Bédo, Ganja, et c'est pas Pétas, Telo, Gava ou Saltana, Cheche, Famille, Marlo, c'est des as. Next. Eh, hey, regarde, eh, hey, hein. Next. J'ai vu des négros se faire plomber, pou, pou, pou. Prendre des coups de couteau, tomber. Ah. Ouais, ça shoot dans le ghetto, ouais, ça tire sur des négros, ça tire sur des bédos comme à bombé. Bombé. Jeune négro possédé, obsédé, comme au dog, une menace pour la société. Job Pololo n'a rien d'HP, y'a chopé, va pêche au monde, c'est défait, peut-être son bon t'inciter. Je veux que BH twerk, quand on rap c'est la fête. Au texte, on fait la mort des mecs, on liquide dans ce game. Alors, négro roule à terre, bébé, fais bouger ta graisse. Touche tes fesses, donne ta chatte, montre-nous comment t'encaisse. MC, cesse d'aboyer, tu n'es pas méchant. Comme un pute, quand tu suces, tu n'es pas les dents. On trouvera ton corps ensanglanté en bas les dents. Un sac poubelle sur un pont avec ses dents. Hashtag MZ sur Skyrock. Moi, c'est Big Daddy Joe. Job Pololo et qui est French Montana. Kamontaga et Machaga, viennent du Maroc. Ah. MZ sur Skyrock. Skyrock. Big Daddy Jock. Jock Pololo et qui est French Montana. Kamontaga et Machaga, viennent du Maroc. Ok, cheers. Ok, enlève, pourri, négro, fragile. Next. Next. MZ, binôme, Marlo, Jesse, Jeff. Rest. J'suis le best. Best. Qui veut taise va se faire torcher. Torcher. J'ai pas dormi de la noche. Noche. Si tu manques à l'appel, vaut mieux raccrocher. Le beat de boulanger, j'étais, je veux même pas vous coacher. Coacher. L'auto de mortalité ne compte pas ça. Arrêtez. Car vos sons sont pété. Pété. Disons la vérité. Vous vous faites raqueter depuis Kunta. Quitté. Quitté. Bra, tata. J'ai mordu à la base. J'ai fini au car plat. Car plat. Nous on se mélange pas, non, nous ne comparons pas. On a les coups que t'as pas. Wesh les refs, on a fait le boulot. Fais le boulot. Plus papy cuto au bout du rouleau. Du rouleau. Davidson, Zoxy, Mélophilo. Le gros pèse des kilos, négro, faut 10 kilos. La reste depuis petit, viens pas d'aise comme Joe Petit. On a toujours été actif. T'écoutes pas ce qu'on te dit, te plains pas d'être maudit, tu t'es le 13. On est venu sur Sky, on vous a ramené la haine. La haine. La haine. T'as ramené tout un test, on a ramené qu'une seule armée, on va brûler la gueule. On les baisse, on est venu sur Sky, on vous a ramené la haine. La haine. T'as ramené tout un test, on a ramené qu'une seule armée, on va brûler la gueule. Oh yeah yeah yeah, mon zizi prend CRPR. Je me suis installé méchant, moi ils sont allés le dire à leur mère. Oh là oh là oh là, restez pépère, vous n'existez même pas, vous êtes de deux pères. Je suis au checks, comme cette balance qui me dit bonjour. Comme cette conne qui fait que des filles et son gros bouille. Les frères sont pas prêts, se rendent pas compte que c'est des temps. Tous les grands tatés, si nous aiment trop petits, écoute nous. J'enfile les gants, videz les poches, rigolez pas. Ainsi les gants, c'est fini les balles, c'est fini le pèse des gras. Des trucs de ouf, des trucs de pote, des fini papa. Mes skins c'est trop bête. Faire roue arrière, faire mort sur la route par les gardiens de la paix. Enfoiré, fais le bonhomme, va pêche au monstre. Sinon je te jure que je reprendrai de la peur. Au pire j'insulte tout le monde et je pull up du jeu. Moi c'est des mots du 13 représentant le chuchu. Next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, Vous êtes le MZ. Relève, pourri, négro, fragile, next. Next. MZ, binôme, Marlo, JC, Jess. Yes. Ra. Wesh. MZ, grosse dédicace à tous ceux qui nous soutiennent. MZ, MZ, official sur Facebook. Grosse dédicace à tous mes gamins. Tous mes gamins du 19, on est de l'air. Ça bouge même pas. Chacun. Attends deux petites secondes. On t'oublie pas de dédier à mon gars. Est-ce la punchline, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire à toi mon gars. Ouais, pour ma NBA. Ouais, je t'arquille, c'est comment Kepson, on est là en bas. Facebook, Chicho microphone. Facebook, MZ Music, MZ Wesh. Twitter, tout le monde. Je sais, c'est comment. T'as présent pour les t-shirts. Hein. Tu me reprends le refrain. Ok, on reprend. Yo, relève, pourri, négro, fragile, next. Next. MZ, binôme, Marlo, DC, Jess. Rest. Hi. C'était la MZ en live à l'instant. MZ Music Volume 3. MZ Music Volume 3 est dans les bacs. Et les lives tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 à y retrouver aussi sur le planetrap.skyrock.com. Juste avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, on finit avec un petit lune de fiel. Ouais, on va refumer. Allez, on va se recalmer. Je pense que juste avant d'attaquer le match de foot à suivre chez Defool dans un instant. Allez Paris. Allez Paris. Voici lune de fiel maintenant sur Skyrock. Les vieux supporters comme HP là. De la zèbre, de la cheese dans la brochure. Yeah. Des bad bitch très alléchants. Mes gars va se rendre désagréable. Tu crois ta soirée, tu commences à jouer à la meuf chiant. Écoute, Pavel, on est toujours direct dans notre propos. Chic, tu kiffes pas la mytho. Fini de fumer, putain de bédo. Avant que je te mette ta part, enlève-moi tout le nœud que j'ai dans le dos. Tu sais, j'suis pas là pour jacter. Je veux juste fumer. Ton crâne, une taille de jacter. Dans mon délire, j'suis foncé. Le voisinage t'entendra crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le pire dès quand tu veux faire du sérieux. Baby, j't'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. On va juste fumer, teaser, baiser. Non. D'abord, tu vas me branler. Et n'oublie même pas de me sucer. Ouais, t'inquiète, tu vas kiffer. Ok. Viens avec des copines. Je serai avec Joe et Pim. Sera du Sprite, de la codéine. On sera le meilleur coup de votre vie, sans doute, bébé. Eh, c'est Marleau là, c'est Marleau pétasse. Pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chiennes en loup. On sera sous piaf. Je sais que t'aimes sa coquine. Une soirée inoubliable que tu raconteras à ta fille. Bébé, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant, on va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. Aïe, Chem, si on est là. Fumer, teaser, baiser. Ouais, Jay, tous les mecs de Grenoble, gros dédicace à vous. J'emmerde ma conscience, ma santé, je sais que tu me désires. Je veux que tu sois ma salope polie et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. Je suis fou, mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Et je te monte en l'air sans jamais que t'atterris. Je veux la baiser sans le besoin de dire bébé. Et elle veut me baiser jusqu'à ce que je crie, mais il est. Prison de zone érogène où j'en sais Runo. Sûrement avec un plus gros dos, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma faute. Bébé, je suis foncé. Rejoins-moi, accroche-toi car le 16ème ciel est pas loin. Ce soir, sois ma 8 neige, crée ton beau bif, fume mon tison baison toute la nuit. Vis cette nuit comme la dernière de ta vie, mouille les draps du lit, crie, réveille toute la ville, je sens ton cœur qui bat. Cheval résout, tes paupières palpitent, t'es tombé accro à ma, je suis ton héros. Ce soir, rien ne sert de trop parler. Consomme-moi jusqu'à l'eau verte, tous soucis. Chevalerie en direct. Le reste dans cette piole, le vrai négro fait vraie chose. Bébé, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. Achero, Mourad, fumer, teaser, baiser. Fumer, tisser, baiser. Fumer, tisser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tisser, baiser. Fumer, tisser, baiser. Groupie, t'es là ou pas? Rentre dans la chambre, on va fumer, tisser, baiser. Dédicace à Mallory. Lâche rien, famille Sania. Zaina, dédicace à Zaina, Idjatou. Si vous voulez des putains de chicha, allez sur Chicha Drive, sur Facebook, vous allez kiffer. Pour ceux qui savent, MZ officiel pour le Facebook, MZ Group, Twitter, MZ Group encore pour mes Instagrammeurs. Allons, on se refoule, pas les péchos de volume 100. Vido Loco. La MZ, extrait du projet MZ Musique Volume 3 à l'instant. Ce morceau qui s'appelle Lune de Fiel, qu'on écoutait à l'instant avec la MZ. Beaucoup. Une équipe dissipée Rose ce soir dans le studio. À Fred. Ouais, Chevaleret. Il n'a pas été absent depuis 1998 qu'on n'a pas loupé. Une grosse dédicace à lui. J'ai fait mes petites recherches, t'inquiète pas. Dans le genre premier de la classe. Tu aurais même pu remonter jusqu'en 96. Tu aurais eu très bien. Les infos sont fausses alors. Et une dédicace à tous les mecs de Chevaleret, en particulier à mes trois petits frères qui sont venus. Vakinou, Bilos et Zouminox. Dédicace à eux. Et Monsieur Doux, Bouxé. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement. Allez, c'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Ça va, team à 3? En pleine forme, team? Ouais, ça va. Mais écoute, bienvenue dans ce planète rap dissipé de la MZ avec nous ce soir. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Allez, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop. Ouais, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Team, c'est... Hunger Games, l'embrasement. On t'envoie le DVD rapidement du côté de 3, le film événement cool de l'année 2013 qui arrive à la maison, Team. C'est cool, merci. Ciao mon pote. Allez, bonne soirée. Salut, ciao. Passe une bonne soirée. Merci à l'MZ. Merci. Rendez-vous demain, juste avant 20h. Ouais. Mélo Philo qui voulait... Demain à la même heure, voilà. 19h50, MZ sur Skyrock. À pas louper, merci à vous, Davidson, merci. Merci à toute l'équipe de la MZ. Merci à toi aussi. Et on va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là. C'est parti pour la radio libre. Et oui, oui. On veut entendre la voix de la Marie. La Marie, alors. Allô Marie, sors des toilettes. Elle est en train de finir quelque chose. Elle arrive. Elle dépose un colis, mais elle arrive juste après. Juste après. Et oui. Elle dépose. C'est ça. Chelsea PSG, 6 minutes de jeu. Le match en sur direct sur Skyrock. 0-0 pour l'instant. Aïe. Tout est possible. Sammy, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je sais pas. Chelsea, ils ont l'air d'avoir le ballon quand même. Oui, pour l'instant, ils ont la balle. C'est bien. C'est bien pour eux, c'est cool. Ouais, c'est bien pour eux. C'est bien pour les Marseillais. Ouais. Alors, match à suivre ce soir, que vous soyez pour le PSG ou pour Chelsea, c'est Chelsea-PSG. Attention à 2-0 pour Chelsea, il permet à Chelsea de se qualifier. Ouais. On va voir ça ce soir, on va suivre ça en direct. On vous attend de toute la France, vous réagissez sur le match si vous êtes en train de le suivre. Sinon, on vous dit tout sur tout ce qui va se passer. Je vois qu'il y a déjà de l'ambiance dans Planète Rap demain soir, ça recommence. Ah ouais, c'est clair. Ça recommence juste avant 20h. Et vous occupez bien de l'anglais qui débarque. Hein. Oui, alors on a. Alors ce soir, oui, ça va être marrant parce qu'on a un anglais qui va débarquer dans l'émission, c'est Sam Smith. Mais on en reparle dans un instant. Sam Smith qui sera avec nous. Donc un anglais ici dans les studios de Skyrock en France. Vous tous de toute la France. Un peu carboniser le soir. Hein. Ouais, enfin, à condition que le PSG gagne. Ouais. Mais ils vont gagner. Ils se qualifient. Mais ils vont se qualifier. Direction la demi-finale. Ouais, Samy est moins sûr. Non, de toute façon, Samy. Moi, Chelsea, ils me font un peu peur. On sait jamais. Je suis supporter de Chelsea. Si, mais ils me font peur, tu vois. C'est bien. Donc on va suivre ça. Suivez-nous sur Skyrock, le hashtag Skyrock pour laisser vos messages sur Twitter, le 41759, le skyrock.fm, les applis Skyrock aussi, le skyrock.fm, je l'ai dit. Enfin bon, vous profitez, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 et on arrive tout de suite après le son de Black M qu'on vous balance, un extrait de l'album. On se fait sur ma route, le son de Black M pour démarrer l'émission. Ah, c'est bon ça. Et toute l'équipe en direct, on écoute la Skyrock version en plus, il arrive tout de suite. À tout de suite. Ciao.